Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le 11e jour de la première lune de la teinte sanguine de 1131. La nuit fut courte, le réveil douloureux. Aujourd'hui fait partie de ces jours qu'on aimerait pouvoir échapper. Non pas que de grands événements douloureux vous y attendent, au contraire. Aujourd'hui, c'est une journée de tout ce qu'il y a de plus routinier. Mais cette routine, celle d'un membre d'une cellule unique au ministère de la Propagande de Venise, c'est une routine qui se trouve parfois difficile. Vous vous retrouvez tous au QG Indigo comme chaque matin. Comme à votre habitude, vous prenez un petit déjeuner consistant. Souvent l'équivalent d'un repas, histoire de tenir jusqu'au prochain repas, souvent le soir. Pendant ce petit déjeuner, vous échangez entre vous, organisant votre journée. Vos enquêtes. Aujourd'hui, vous n'attendez personne, mais tout le monde vous attend. Vous avez 4 affaires, plus ou moins liées, à résoudre. Vous avez vos propres soucis et... voir intérêt ou opportunité, peu importe ce qu'il en est à gérer en plus de cela. En soi, aujourd'hui, aucun supérieur ne vous dictera vos comportements pour votre bonheur autant que pour votre malheur. Car aujourd'hui, je n'ai qu'une question pour vous. Que comptez-vous faire? Bon, je pense que avec la journée qu'on a eue... hier, y a peut-être moyen que finalement on s'occupe de la Veridici tous ensemble, non? Vous en pensez quoi? Oui, bien sûr, cela me paraît être une priorité absolue. Nous devons absolument prendre en main cette affaire au plus tôt. Ouais, je pense aussi. Personnellement, je crois savoir déjà... Si vous souhaitez bien que nous travaillions tous ensemble sur cette affaire, j'ai peut-être quelques tâches à distribuer parmi vous, si jamais vous voulez bien vous en occuper. Et peut-être pas des tâches aussi faciles Enfin, cela risque d'être compliqué. Car en fait, j'aurais besoin d'au moins une feuille de papier. Vierge. Rien possible. Que ça. Oui. Tu nous demandes de faire des miracles, là. Oui, justement. Ou bien, je dois trouver un dispositif efficace afin de faire disparaître. Vous savez quoi? Ah oui, il faudrait trouver une plume aussi. Et enfin, je crois que c'est avec ça qu'on écrit. Et ce qui va avec. Est-ce qu'on pourrait pas demander au patron? Oui, c'était à eux que je pensais. C'est clairement. Trouver une feuille, je pense que. Pourquoi pas nos mécènes? Non, je pense même pas que. De quoi on aurait l'air si on leur demandait déjà une feuille de papier? Bah. On peut tout à fait leur dire que c'est pour essayer de calmer la situation qui s'est un petit peu envenimée dans le quartier de l'Arbre. Et ça demanderait déjà d'en parler, ça demanderait d'en faire bouger l'information encore plus loin que ce que là où elle a déjà été. Nos mécènes sont des mécènes, oui, mais ça parle, un mécène. Oui, mais on est d'accord que comment il s'appelle? J'ai toujours du mal à retenir son nom... Pas Cagno, l'autre. Ah, aidez-moi. Le chef, quoi, le patron, pas le big boss, celui où je suis venu. Alceo? Alcéo, ouais, voilà. Alcéo est au courant. Ouais, wow, désolé, je suis un peu fatigué. Vraiment, je suis pas loin du burn-out. Mmh. Voilà. Non, Alcéo est au courant de ce qui s'est passé à l'arbre. Oui, mais Alcéo va pas nous faire transférer une feuille de papier. Bah, écoute, non, je pense qu'il faut qu'on se trouve une espèce de guilde des écrivains papier ou un truc comme ça, je sais pas. Des encriers ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a ça dans notre monde ? Je ne sais pas. Pour apprendre des gens qui se réuniraient toutes les semaines pour écrire sur du papier, bien sûr. Non, mais pas ça. Je veux dire, un groupement qui aurait au moins la science de savoir comment gratter des feuilles de papier ou des trucs comme ça pour faire disparaître de l'encre. Sinon, tu peux écrire Rodo. Oui, mais il suffit de quelqu'un. Retourne la feuille, la supercherie sera totale. Est-ce que tu peux pas repeindre ? On a de la peinture, non ? Repeindre une feuille ? Tu repeins une face en blanc et tu écris au dos. C'est du génie ! Est-ce que ça va pas se voir ? Si jamais à chaque fois nous pourrions réutiliser la même feuille, il nous suffirait de la repeindre ! Absolument ! Mais ma chère Esther, je reconnais bien vos qualités d'ingénieur. C'est franchement du pur génie. Merci, merci. Mais enfin, soyons sérieux, redescendons un petit peu. C'est bien toujours de faire un peu d'humour, mais restons un petit peu dans ce qui est de l'ordre du poste. Nous avons une feuille, il faut la peindre. Mais avec quoi veux-tu la peindre ? De la peinture ? Je sais pas moi. Mais ça se voit de la peinture. La peinture, ça va se voir sur une feuille, voyons. Surtout qu'une fois qu'elle va sécher ta peinture, ta feuille ce sera plus du. Je ne sais pas comment ça s'appelle, carton peut-être. C'est vraiment une feuille de papier. Du carton. Et si on utilisait ce carton pour transporter des choses en... nous divaguons là. Je pense qu'il faut trop avec l'autisme. Je pense que nous allons trop loin notre procès. Il nous faut quelqu'un qui puisse gratter efficacement la feuille. Je pense que c'est notre piste. La plus probable et la moins coûteuse. Mais qui pourrait le faire ? Clairement. Un peintre, quelqu'un qui fait des tableaux sur métal peut-être et qui est habitué à retirer des peintures sur des... Pas sur du papier du coup, mais sur d'autres matériaux. On lui demanderait d'être extrêmement précis et méticuleux sur ce coup-là. Et on connaît des peintres. Bah, ou en effet, peut-être que... Comme tu l'as mentionné juste avant, peut-être qu'il existe parmi nos très chères élites des gens qui ont déjà une expérience du papier. Mais en quel cas, ça impliquerait qu'ils voient ce qui est écrit sur la feuille. Mais bon, au vu des choses, elles ont été tellement vite que ça se trouve, tout Venise est déjà au courant de ce qu'il y a eu sur cette feuille. Oui. Comme vous voulez, je ne sais pas. Notre photographe, là, que je connais d'ailleurs personnellement, du coup, parce que je m'en rappelle cette fois-ci que je le connais. Notre photographe, il n'est pas habitué à traiter des images, à modifier des choses. Moi, j'y connais rien en papier. Vraie question, les appareils photo, ils impriment les photos sur quoi dans Écrim ? Bah des plaques de métal. D'accord. J'ai plus un nom, je sais plus, c'est un nom. La daguerrotype, plein de trucs. Il y a pas des outils pour obtenir justement les gravures des plaques ? Sinon, si vous voulez, je peux toujours profiter pour aller voir mon oncle. Je sais qu'il a beaucoup voyagé. Peut-être qu'il aura eu l'occasion de croiser des gens qui seraient susceptibles de nous aider. Ça peut toujours être une bonne piste à prendre. Donc, il ne divulguera rien du tout, ça restera entre nous. Bon, bah, si tu lui fais confiance, mon très cher. C'est mon oncle, oui. Mais, juste pour te répondre, Esther, je pense que. J'ai aussi pensé à l'idée de tout simplement. L'intérêt même d'avoir une nouvelle feuille, c'est parce que nous savons très bien que c'est ce qui fait l'âme des poèmes de la Veridici, c'est qu'il utilise du papier. Pardon. Oui, d'ailleurs, personne ne vole jamais les papiers qui sont imposés sur l'arbre. Il en pose tous les combien de temps? C'est parce que c'est très rare que ce soit en papier. La plupart du temps, c'est quand même du métal qui est utilisé. D'accord, ok. Là, c'était... Oh tu... C'est quand même quelqu'un qui a des moyens considérables, a priori. Par contre, oui, ça oui. Tu me dis que si quelqu'un a réussi, enfin, si elle a réussi à acheter du papier, c'est que derrière, il faut de l'argent. T'imagines ? Ouais, Alceo, je voudrais du papier pour faire un dessin, s'il te plaît. Mais bien sûr. La fête des mères. Bah, du coup, moi, je me propose d'aller voir mon oncle, essayer peut-être de voir avec lui, c'est un baroudeur, s'il n'a pas des connaissances ou des gens qui pourraient nous aider dans le traitement de ce papier, dans ce recyclage. Ok. Et je m'en vais. Je claque la porte. Quand tu vas pour partir, mon cher Victor Conti, tu ouvres la porte tout simplement, il n'y a rien de spécial, si ce n'est qu'au sol, il y a une petite plaque de fer. Voilà. Je me baisse, je la prends, je regarde ce qui est écrit dessus. Dessus, il est gravé un nombre, donc deux chiffres. Il est écrit 24. Rendez-vous ce soir. Mm-hmm. 24. Rendez-vous. C'est vrai qu'il faut aussi maintenant, vous avez pas envoyé une deadline ou je sais plus quoi sur un truc. Hein ? J'ai souvenir d'un truc, mais c'est peut-être moi qui l'ai rêvé. Alors oui, c'était il y a très longtemps et la deadline c'était pour trouver qui était sa prochaine victime que vous avez sauvée. Après, il nous oui, a plus jamais reparlé depuis. J'ai complètement rêvé. Je suis complètement dans le passé. Oui, Esther, aujourd'hui, t'as un peu du mal et t'es clairement dans le brouillard à te souvenir. Je vais retrouver Sophie avant qu'elle s'en aille. Du coup, je me retourne avant de claquer la porte, pour le coup. Excusez-moi, quelqu'un a rendez-vous ce soir Non ? Je crois pas à mon souvenir. Le jeu des tours en ce moment. Je viens de trouver une plaque sur le palier. C'est écrit 24, rendez-vous ce soir. 24. 24, rendez-vous ce soir. 24. Il y a une personne chez qui ça va... Ce nombre, en fait, va rappeler quelque chose... C'est une personne qui est un peu dans le brouillard aujourd'hui, un peu avec des difficultés de souvenir, qui se voyait dans le passé et qui, grâce à ce nom, vient de réaliser qu'elle a 24 ans en fait aujourd'hui. Et oui, Esther, c'est ton anniversaire et tu comprends directement que cette plaque t'est adressée. Oh merde, c'était aujourd'hui, j'ai failli oublier. T'as oublié quoi ? J'arrive au niveau de la plaque et je la regarde un peu dans tous les sens. T'as oublié quoi ? Non, il n'y a rien. Alors, il n'y a pas de nom, mais tu reconnais une chose. C'est que c'est gravé par une écriture que tu as très bien connue, puisque tu as vécu avec cette personne avant qu'une guide vous sépare. Mm-hmm. Du coup, c'est à toi ? Ouais, et c'est pas de la part des procedimento. Mais c'est quoi le 24 alors ? On va dire que demain je serai un peu plus vieille que je ne l'étais hier. Ah bon ? C'est ton anniversaire ? Ouais, j'ai failli complètement oublier avec cette enquête. Déjà aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, j'ai l'impression d'être retourné 6 mois dans le passé. Je sais pas ce qui m'arrive, je pense que je dois être dans le déni ou quelque chose comme ça. Ah bah écoute, ma foi, bon anniversaire alors. Eh bien merci. Bon, dans les crimes, les anniversaires, c'est comme dans... Presque. Il y a des traditions, quoi. Alors, il y a des traditions. Alors, ça diffère des pays, mais on sait que très communément, la plupart des traditions... Alors après, il y a plein de choses qui varient, mais la culture du cadeau n'existe quasiment pas, sauf dans un seul empire sur la toile. Parce que les cadeaux, c'est des ressources, en fait. Donc, on va éviter de faire en sorte que les gens s'offrent des objets. Ça serait horrible. Non, du coup, en fait, la plupart du temps, dans les crimes, les cadeaux, c'est en fait souvent la présence d'une personne. Généralement, en fait, pour l'anniversaire, la famille, les amis se déplacent jusqu'à la personne. C'est plus ou moins le cas sur la toile. Et après, les traditions varient d'un coin à l'autre. Par exemple, à Venise, il est coutume de faire des activités artistiques, d'aller dans un musée, un truc comme ça, avec des forfaits spéciaux pour ce jour spécial. Mais voilà. Okay. Bon, je sais pas si on aura le temps de faire quoi que ce soit, mais. Alors, tu pourras compter sur notre présence, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, moi j'y vais, je vous laisse, et puis encore bon anniversaire. Et je m'en vais. Merci. Je vais passer de l'eau sur le visage, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis pas bien réveillé. Je reviens. Très bien. Et j'aurais une question pour Esther. Ça va, ma collection. Ah, elle n'est pas tout à fait stable, mais je crois que ça va, on m'entend. Pour Esther, pendant que tu te passes de l'eau sur le visage et que tu souffles un peu, je pense que le fait que ça soit ton anniversaire est quand même une date importante, mais moi, je me pose la question que les traditions sont que les gens, généralement, viennent vous voir. Est-ce que tu as quelqu'un de particulier, ou qui tiendrait à cœur que tu sais que généralement, le jour de ton anniversaire, ça te permet de revoir, je sais pas, quelqu'un de ta famille généralement que tu vois pas, ou au contraire que tu redoutes, c'est à toi de me dire l'un des deux, en mode il y a quelqu'un de la famille que t'aimes pas trop, mais qui est très attaché à cette tradition et qui tu sais qu'il y a de fortes chances que tu le croises, mais. Eh bien, s'il y a une personne que je pourrais avoir envie de revoir le jour de mon anniversaire en particulier, même si je dirais pas que ce soit une attente particulière, ce serait de retrouver Léon von Vogel qui m'avait promis de revenir me voir un jour. Maintenant, ça semble absolument pas être son écriture que j'ai reconnue sur la plaque, ça suffira. Léon von Vogel, qui d'ailleurs a donné son nom à mon lézard, même si je l'ai jamais appelé, je crois, par son prénom dans le RP. Je l'ai toujours appelé mon lézard, mais il a un prénom et c'est Léon. Et à partir d'aujourd'hui, je l'appellerai Léon à chaque fois. J'ai une petite question à RP, mais c'est parce que c'est moi qui vais être la note complète. Le PNJ. Que tu as, qui justement avec qui tu as une certaine romance. Quel était son nom ? Abel. Tu pourras me l'écrire s'il te plaît, comme ça je le garde. Abel Villebrequin. C'est trop bien comme nom. Génial. Je vais oublier ce nom. Pour ça, comme ça tu me l'envoies, ça me permet de. On est bien d'accord que c'est l'artiste qui a rejoint la guide. Hein. Elle est la même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Ok, donc c'est juste pour être sûr au cas où que mes notes soient. Parce que j'ai pas pris la note exhaustive de ce que vous avez sur vos carnets, donc il faut que je fasse aussi de. Merci beaucoup. Bref, pendant que Esther est partie se rincer le visage, Victor est parti voir son oncle pour voir s'il peut pas trouver via son oncle un contact qui saurait comment trouver du papier, Hugo et Cornilov, vous, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, de mon côté, si Hugo n'a pas besoin d'aide pour ce qui est d'autres choses, je pense que je vais quand même aller explorer la piste, moi, de notre photographe, le fameux Milo. Quand même, au cas où la piste de Victor n'amène à rien, comme ça, on n'attend pas encore un moment si ça ne mène à rien. Histoire d'avoir une route secours. Très bien. Moi, dans ce cas-là, je m'attelle toujours à étudier le poème originel donc de la Ridici, Et je commence un peu à élaborer quelques, comment dire, une prose, on va dire, voilà. Oui, non, tout à fait. Comme d'habitude, pour toi, ça sera en toile de fond. Et pour la toile de fond, je te laisserai du coup me faire un petit jet de créativité, voir comment tu t'en sors. Par qui je commence? On va commencer par Victor. Victor, tu vas arriver quelques temps plus tard, hein, le temps de traverser, ça te prend forcément quand même un bon petit moment. Et tu vas aller tout simplement voir ton oncle. Comme souvent à son habitude, depuis que ton oncle est à Venise, il est souvent chez lui, tu sais que la hyène grandissante, il commence à... Maintenant qu'il a bien vécu une vie nomade, hein, comme tu le sais, maintenant il commence à aimer un foyer réconfortant, même s'il vit pas dans le grand luxe, mais ce qui est, d'ailleurs détonne hein, souvent un peu avec le reste de ta famille. Hein, sûrement pour ça que c'est la personne à qui tu t'entends le mieux. Exactement. Mais voilà, il commence à trouver le foyer réconfortant, sachant que voilà, il commence à se faire un peu vieux, donc il est plus dans ses mêmes capacités à se déplacer. Okay. Et bref, tu vas pouvoir aller le voir chez lui. Et tout simplement, en ayant frappé à sa porte, tu vois qu'il t'ouvre tout aussi amicalement que d'habitude, te saluant. Oh, Victor, ça fait plaisir de te voir. Bonjour, mon oncle. Alors, comment vas-tu? Eh bien, ça va, comme chaque jour. Oui, tes genoux te font toujours aussi mal? Ah, tu sais, c'est l'âge qui passe, c'est le voyage. Mais crois-moi que le hurleur qui m'a fait ça, il n'est plus de ce monde. Hein. Ah, je veux bien te croire. Je sais que tu es un dur à cuire. Tu en as passé plus d'un. Enfin, exactement. Voilà, je viens te voir car mes camarades métropolites et moi-même sommes sur une petite... enquête, alors je te passerai les détails, mais la chose la plus incroyable qui nous est arrivée, c'est que, la Veridici, comme tout le monde connaît, a laissé un poème sur l'arbre. Seulement, celui-ci, et c'est là que c'est vraiment incroyable, a été écrit sur du papier. C'est assez incroyable. Je pense qu'on n'en voit pas. Je crois que c'était peut-être la première fois que j'en voyais. Je sais pas ce qu'il en est de toi, mais moi, c'est la première fois. Alors, ORP, c'est la deuxième fois que tu as prêté serment sur un livre de papier en rentrant chez Métropolis. Après, pour moi, ça compte pas, ça, parce que c'était un truc de la maison. Non, mais ça comptait parce que c'était quelque chose d'officiel. Là, je l'ai vu comme ça, quoi. Mais je comprends l'idée. Mais oui, meuf. Oh, j'en ai vu de rares fois, mais souvent de mauvaise qualité, déjà assez vieux et surtout... à partir de feuilles des crimes. D'accord. Bon, en fait, le pourquoi de ma venue est simple, c'est que avec tes voyages, tes nombreux voyages et les gens que tu as rencontrés, est-ce que tu ne connaîtrais pas peut-être, alors évidemment sur Venise, parce que si c'est à autre part, ça serait compliqué. Mais des gens capables de, qui ont eu les capacités, enfin les qualifications, pardon, de travailler sur le papier. Travailler sur du papier, c'est pas une qualification qu'on trouve à chaque coin de rue. C'est pour ça que je me tourne vers toi. Je sais que tu. Je vais y réfléchir. Laisse-moi juste. Aller attraper dans ma mémoire cette information. D'accord, tonton. Je te laisse à fouiller dans ta mémoire, qui est un peu bruyante d'ailleurs, je trouve. Si tu as le souvenir de cette information. Merci beaucoup, c'est très gentil. Hop. Je range ma mémoire sur le côté, comme ça elle fera plus de bruit. Ah, merde. Attendez, j'ai pris un mauvais rouage de ma mémoire. Ceci n'est pas mince, une mémoire à six faces. Ah mince, mais décidément, tu te fais vieux. Tu te fais vieux, mon tonton. Exactement, excusez-moi. Je relance. Ok. T'as un peu de chance, mais il faudra sortir de la ville. Va sur les traverses et... Non, ça ferait trop loin. Tu es pressé ou... Nous n'avons pas... Enfin, personnellement, c'est pas quelque chose de urgent. Ça dépend combien de temps il me faut pour y aller. C'est évidemment, si tu me dis qu'il faut des semaines, je dirais non. Mais... Bah, si pour l'aller-retour, il faudrait compter une vingtaine de jours. 10 jours l'aller. Ah, une vingtaine de jours. Ah, les traverses sont ce que sont. C'est ce que c'est. Il n'y a pas un village... tous les 100 mètres. Le but, c'est de voyager. Sur. Bah écoute, dis toujours, et puis j'en parlerai à mes camarades. Eh bien, j'ai connu quelqu'un qui savait manipuler le papier. C'est un ancien de la ville. Il habitait à Venise. Et tout simplement, il a décidé de vivre ses derniers jours au travers. Un peu l'inverse de moi, tiens. Excuse-moi, j'ai la voix qui rouille. Oh, Et oui, dans ce cas-là, je te souhaite d'aller... la cité s'appelle le Bahamo. C'est une toute petite cité. Le Bahamo ? Oui. Ok. Là-bas, tu trouveras un homme, du nom de Severini. Cet homme a travaillé longtemps ici et servait notamment de... graveur, mais aussi de graveur sur papier lorsque nous en avions besoin à Venise. De rares occasions, mais vous savez, une ville avec des artistes font des fois de grandes folies. Graveur. Et sinon, à tout hasard, merci déjà de cette information, ça nous sera peut-être utile. Mais à tout hasard, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un dans Venise qui aurait du papier? Mes connaissances n'ont pas assez là. Va voir donc le reste de ta famille. Je pense que eux sont bien plus en lien avec ce genre de personnes que moi. C'est sûr, mais tu sais à quel point je n'aime pas aller les voir. Ah ça, mais je crois que c'est bien une chose qu'on a mis en commun. Mais bon, peut-être que je devrais faire une exception pour cette fois-ci. J'en ai peur. Eh bien, écoute, mon oncle, je suis contente de t'avoir vu et je pense que nous essaierons de nous voir dans les jours à venir. Ça fait quand même quelques temps que nous n'avons pas mangé ensemble. Ce serait très sympathique. C'est ma foi bien vrai. Je te préparerai un petit repas, une spécialité que j'ai appris au Lansk. Délicieux. Ah, parfait. J'en ferai peut-être profiter... mon très cher Kornilov. Je sais à quel point il est féru de gastronomie. Surtout du Lansk. Eh bien, mon oncle, je te souhaite une agréable journée. Eh bien, tout de même. Merci. Salut. Et je m'en vais. Ok, parfait. Le temps que tu reviennes... Enfin, tu vas peut-être pas rentrer au QG, en fait. Tu vas peut-être aller voir ta famille. Je sais pas ce que tu fais. Ouais, à la limite, je pourrais enchaîner, mais pour l'instant, je vais laisser les autres un peu causer et je reviendrai oui. Un peu plus tard. Ouais, bref. Ouais, du coup, ça revient en même dans ma phrase, c'est que le temps que tu fasses ton trajet, quel qu'il soit, les autres ont agi. J'ai vu, mon cher Hugo, du coup, ton résultat. C'est un résultat plutôt honnête malgré tout. Tu sais que voilà, il va falloir t'aider à te surpasser pour vraiment arriver à ben, en fait, à atteindre la qualité de la Veridici. Tu l'as remarqué la première fois quand tu l'as analysé, de souvenir, tu avais très bien réussi, mais tu sentais que c'était pas non plus ton domaine que tu maîtrisais le plus. Mais maintenant que tu commences à essayer de créer un peu des premières proses, des premiers vers dans ta tête, essayer de voir qu'est-ce que tu pourrais faire, tu sens vraiment qu'il y a une maîtrise qui, pour l'instant, tu sens que te dépasse. Ce n'est rien de fataliste, hein, tu sais que juste il va falloir que tu t'accroches, que tu te dépenses, et vraiment voilà, que tu y ailles sincèrement. Ça te demandait du temps, énormément d'énergie, mais tu sais que c'est pas non plus impossible. C'est dans tes cordes, au fond de toi. J'en profite d'ailleurs pour rebondir parce que, par rapport à ce que tu m'as dit en privé, si jamais c'était pas clair pour tout le monde, comme ça, ça permet de parler vite de règles, sur votre fiche, il y a effectivement vos compétences. Les petits carrés représentent les seuils d'évolution, vous savez, qui vous permettent de level up. Hein. Et s'ils sont remplis, c'est que vous pouvez level up. Et dans ce cas, il y a un petit symbole généralement rouge qui vous indique que vous pouvez level up. Bon, pour l'instant, il n'y a que Hugo qui peut level up parmi vous, mais je vous l'indique. Et pour la règle de l'usure, parce qu'il m'a parlé d'usure, comme ça fait 30 ans qu'on n'a pas parlé, n'oubliez pas que vous pouvez faire un dépassement de soi, c'est-à-dire voilà, aller piocher dans votre réserve de compétences. Et tout simplement, si vous avez deux, par exemple, dépenser un point. Et ça veut dire que vous aurez un bonus de 1 sur ce jet et que jusqu'à la fin du scénario de cette balade, donc, votre compétence se retrouve réduite, c'est ça l'usure, hein, de nombre de points que vous avez investis. Voilà. Petit rappel d'oreille, mais c'était le moment, j'ai eu un petit message là-dessus, je me suis dit c'était bien. Voilà, voilà. On va retourner du coup sur Kornilov. Kornilov, du coup, tu es parti voir, comme tu le dis, le photographe Milo, effectivement. Alors, Milo. Sa photographie... C'est la première fois que vous allez le voir à Gesto 2, c'est bien ça, si je ne dis pas de bêtises, je pense. Ouais. Ouais, ok. Il est la 3D bizarre. Ouais, la 3D bizarre. Tout à fait. Milo est peint par quelqu'un qui maîtrise des techniques de peinture qui te semblent reproduire des choses en 3D d'une forme assez spéciale. Quoi qu'il en soit, tu vas aller voir Milo à son atelier, comme d'habitude, qui se trouve à un petit étage, comme je vous l'avais précédemment écrit. Tu toques chez lui et effectivement, on finit par... Enfin, à son atelier, il finit par répondre... Ouvrant la porte, et tu vois qu'il a toujours ce petit sursaut de voir un métropolite devant chez lui. Et voilà, qui bah, lui dit oh, bonjour, monsieur. J'ai pas recommencé, je le promets. Ah, Milo, comment ça va ? Ça va, mais que me vaut votre visite en uniforme oh, bah, laisse de côté les vouvoiements. On se connaît maintenant. On se connaît plus longtemps, même. D'accord. Je rentre. Vous voulez un petit verre d'absinthe, quelque chose du genre ? Ouais, avec plaisir. Ok, tu vois qui va pour te servir. Et il te sert. Et il s'assoit, il est toujours tout stressé, mais tu sens que c'est pas un stress qui essaye de cacher quelque chose, que juste quelqu'un qui est un peu mal à l'aise d'avoir quelqu'un qui représente l'état face à lui. Il s'assoit. Bien, que me vaut votre visite ? Oh, rien d'officiel, t'inquiète pas. Là, je suis en uniforme, mais c'est juste que je fais un petit voyage. J'en ai profité pour m'arrêter entre temps. Ah, d'accord. Oui, exactement. Je venais simplement, déjà pour commencer, m'excuser de la brusquerie dont j'ai fait preuve moi et mes collègues la dernière fois qu'on est venu. C'est vrai que on aurait dû y aller plus doucement, d'autant plus qu'on se connaît quand même. Il n'y avait pas de raison. Merci. Merci. à dire aussi, oui, justement, je pensais faire un petit événement, un petit repas ou quelque chose dans pas longtemps. Je pense que ce serait intéressant qu'on s'y retrouve. Qu'est-ce que t'en penses ? Un repas, oui, tout à fait, si vous le souhaitez. Enfin, si tu le souhaites pas, pardon. Oui, non, mais on fera ça bientôt, je te garderai au courant. Très bien. D'ailleurs, sur un tout autre sujet, parce que je me suis un peu intéressé à tout ce qui est art graphique et ce genre de choses, j'imagine que ça touche un peu à ton domaine. Bien, oui, tout à fait. Enfin, ça dépend en quel domaine d'art graphique, mais je m'y connais un peu, oui. Justement, je me demandais si tu avais des choses à m'apprendre, ou peut-être tu pouvais me démontrer certaines connaissances particulières qui m'intéressent assez. En particulier, tout ce qui est en rapport avec l'encre même sur, que ce soit des toiles, du papier, des... Des matériaux. Je vais être honnête, c'est pas vraiment mon domaine. Je suis plus vraiment basé sur le métal et la photographie peut s'y inscrire, mais c'est différent. C'est pas le même fonctionnement. Mais vous savez, excusez-moi, je connais. Quelques artistes qui, je pense, eux, seront plus à même à répondre à vos questions, à tes questions. Ah oui, si tu connais des gens qui s'y connaissent en encre et surtout en papier, et la réunion des deux, ça m'intéresserait particulièrement. Eh bien, il va falloir voyager un peu et retourner... vers la loge des antiquaires et là-bas demander un certain Mario Pierret. Eh bien, merci pour cette information. Ça me fait très plaisir qu'on soit amis. Je pense que c'est le genre de relation qui va nous apporter beaucoup à tous les deux. Bien, oui. Je suis ravi. Je suis ravi. Eh bien, de même. Quoi qu'il en soit, comme je t'ai dit, j'allais d'un point à un autre et j'en ai profité pour m'arrêter, donc il faut que je me remette en marche. Quoi qu'il en soit, t'inquiète pas, je repasserai assez rapidement dans les jours à venir pour te donner une date pour ce fameux repas. Très bien. Merci beaucoup. C'est tout à fait normal. Et du coup, je me lève et je laisse mon verre plein sur la table et je me barre. Très bien. Pendant tout ce temps, Esther, toi, quelle a été ton occupation ? Qu'as-tu fait ? Dis-moi. Eh bien, étant donné que tout le monde est parti de son côté pour, pour les biens de l'enquête et que je n'ai plus grand-chose à quoi servir, je pense que je vais prendre un petit peu ce temps pour moi. Notamment, on m'avait donné un tuyau pour ces histoires de combat. Mais je n'avais pas pu aller voir mon contact et j'aimerais du coup me rendre là-bas. Ok. Ok. Je regarde. Où est-ce que tu devais le retrouver ? Je me sens que c'était une guilde qu'il fallait que je retrouve. Puisque j'étais allé voir du coup à l'arrière-salle de notre bar préféré avec Kornilov et que je leur avais demandé s'il n'y avait pas un endroit sur lequel on pouvait me regarder. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai la guide, j'ai le nom. C'était juste pour être sûr que j'avais pas oublié de noter quelque chose, mais oui. Ouais, on t'a pas donné de lieu, en fait. C'est à toi de le trouver, c'est ça. Je m'en rappelle même pas. J'avoue, je sais si on m'a donné un lieu. Je sais plus du tout. Je m'en rappelle pas du tout. Désolé. Non, mais y a pas de souci. Je fais confiance à mes notes, alors, et je considère que tu as eu ton nom. Je peux te le rappeler si tu veux, c'est Moncad qui fait le lien avec la guide du souffleur. Ça j'aime bien, non, c'est parfait. Ça veut juste dire en fait que du coup tu dois réussir en fait à trouver le fameux Moncad qui doit être trouvable okay. Assez facilement dans les tout ce qui est bar, etc. Les trucs de jeu, les maisons ouais, de jeu. Ce que j'allais dire, les quartiers un peu mal fréquentés, et puis je vais essayer de m'enseigner auprès des. Du coup, soit de sa guilde, soit du Mancad directement, ouais. En demandant ici et là, tranquillement. Ok. Eh bien, on voit son objectif tout de suite, parce que là, on doit chercher. J'y vais pas du tout en tenue. Oui. Effectivement, tu risques d'avoir moins de bonnes réponses. Y aller incognito, quoi. Tu vas en tenue de civil. Tu vas descendre en basse ville, ça va te prendre un peu de temps. Donc en gros, quand tout le monde aura terminé, la matinée sera terminée. Et en fait, en basse ville, tu vas aller facilement chercher ci et là où est-ce que tu pourrais trouver ce fameux Moncad ou un membre de la guilde du souffleur. Et assez facilement, en fait, tu vas pouvoir le trouver, puisque c'est un peu en fait son rôle, hein, Moncad, hein, c'est faire le lien entre lui et la guilde des souffleurs. Et donc, il a tendance à être... très présent, on va dire, et à être connu un peu de partout. Donc, en fait, à la première maison jeu, on te dit oui, on le connaît. Bon, il n'était pas là, mais on le connaît. On sait qu'il traîne dans ces endroits. Donc, en fait, très rapidement, tu as des pistes. Et Moncad, tu vois que c'est quelqu'un qui a rapidement une bonne réputation dans ces milieux-là. C'est-à-dire que, absolument, oula, excuse-moi, je viens de dire deux fois absolument. Voilà, absolument, tout le monde le connaît. Tu vas donc suivre les quelques pistes qu'on te donne et aller de et aller de conseil en conseil, d'indice en indice pour retrouver ce fameux Moncad. Ok, parfait. Tu vas finir par le trouver dans une maison close, je crois, c'est ça le terme qu'on dit. Oui, c'est ça, oui, un bordel, c'était le terme que je cherchais. Et il y est, non pas en tant que client, mais tu vois qu'il y est en fait faire de la rétrospection comme il fait en fait très souvent d'habitude, tu vois qu'il traîne en fait. Tu comprends qu'assez vite en fait son emploi du temps la journée c'est aller à un endroit, faire de la rétrospection pour la guide du souffleur, etc. etc. Et tout simplement, tu vas arriver. Vers lui, tu vas le reconnaître hein, avec toutes les descriptions qu'on t'a données, etc. Tu vas y voir un homme assez étonnant par rapport à ce que tu pouvais peut-être t'y attendre. Nous sommes face à quelqu'un de très propre sur lui, vraiment des cheveux très courts mais plaqués en arrière. En fait, il y a même un côté, un sentiment assez haute ville en fait, qui se dégage. Il est très bien habillé, il a une petite barbe très bien taillée. C'est assez spécial pour quelqu'un de la basse ville. Et c'est assez à noter, voilà, qui dénote en fait complètement vis-à-vis de ce à quoi il est entouré. Tu arrives vers lui, je te laisse du coup, si tu veux, commencer le direct. Je m'approche. Il y a du monde vraiment autour ou on est plutôt tranquille, non, quand même? Genre, si je lui parle, est-ce que des gens pourraient entendre? Oui, c'est sa spécialité. C'est vraiment s'asseoir à un endroit où il est visible, mais c'est pas là où il y a le plus de monde et c'est là où, au contraire, du coup, tu peux quand même parler tranquillement. Ok, parfait. Si je peux quand même parler tranquillement, en effet, j'arrive et je lui fais... avec peut-être une voix un peu plus grave que d'habitude. C'est toi, Moncad? Mais tout à fait, c'est moi. Qui donc vous envoie me chercher? Moi-même. On m'a dit que tu pourrais m'aider et que tu connaissais des gens. Oui, ma foi, je connais bien grand monde dans cette ville. Dites-moi donc ce que vous cherchez, je vous dirai si je peux subvenir vos besoins. Il paraît qu'il y a des ligues de combat à main nue qui s'organisent dans les tréfonds de Venise et j'aimerais en être. C'est d'une telle violence que vous me dites. Je vous prie, ne me parlez plus donc de ceci ici. Et si nous allons en prendre l'air plutôt ? Je veux bien, l'endroit me met plutôt mal à l'aise. Tu vois qu'il ouvre la marche et se dirige d'un pas assuré vers l'extérieur. Une fois dehors, tu vois qu'Yvette, il va simplement longer le bâtiment et se glisser entre deux constructions pour faire ce qui semble une toute petite ruelle absolument étroite, mais où il n'y a aucun passage. Ok. Il t'y emmène et tu vois qu'il se retourne vers toi et bon, écoute, comme d'habitude, les règles sont simples, pas d'embrouille. Je veux ton identité. Si tu me mens, on le saura. Et si j'apprends que tu es n'importe quoi qui pose problème, hein, si tu ne respectes pas les règles, ou si tu te trouves être un mouchard, sache que on te fera la peau. Hmm. Je pars en courant. Pardon. J'aurais préféré que tu me donnes un lieu et une heure, mais pourquoi pas. J'aimerais éviter pour l'identité. Comprends que c'est plutôt essentiel. J'ai besoin absolument de savoir qui j'envoie là-bas et que... Si tu veux, tu peux te contenter de ton prénom. Ton nom de famille, c'est un truc de bourgeois, ça ne nous intéresse pas. Hmm. Dans ce cas-là, en effet, sans attendre la pause méta que je suis en train de faire pour chercher un autre prénom. Sophia. Mais sur scène, j'aimerais qu'on m'appelle par un pseudonyme. Que j'ai pas encore trouvé, mais qui viendra en temps et en heure. Qu'importe. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas pouvoir, si tu veux, te rendre à la prochaine réunion. les réunions sont nocturnes pour des raisons plutôt évidentes. La journée, les gamins traînent et que ce n'est pas un bon exemple de voir des gens se battre jusqu'à être en très mauvaise posture. Donc, ça se déroule la nuit, généralement vers minuit. Et tu te rendras dans les sous-quartiers de Venise. Malheureusement, vu que ça fait partie de la plus basse ville, c'est des quartiers qui n'ont même pas de nom. Donc, pour t'y repérer, il va falloir que tu fasses confiance à ton instinct. Vu que le principe, c'est qu'on est très très proche de l'écrit, mais c'est sur des fondations, tu reconnaîtras le lieu de rencontre. Il y a un énorme pilier de pierre qui rejoint une bâtisse qui, elle, est en fer. Ce pilier a une forme très particulière, il est plutôt ovale à force de plusieurs choses qui l'ont dégradé. Ça te donnera un point de repère pour le rendez-vous. Ok. À chaque fois que je lui parle, d'ailleurs, je suis quand même assez, comment dire, discrète. Je regarde mes pieds, la tête dans la capuche, et je le regarde rarement directement, et je lui dis, bon, après, sinon, je vais pas te mentir, j'aimerais en connaître un peu plus sur l'état des combats. La personne qui m'a envoyé jusqu'à toi n'a pas été forcément claire à ce niveau-là. Je voulais savoir s'ils étaient... Comment dire? Est-ce que les deux participants s'en sortent généralement ou est-ce que, par habitude, vous avez tendance à vous en débarrasser d'un des deux? Dans les règles, les combats ne sont pas censés être à mort. Cependant, pour les gros combats qui ont des grosses mises de gains, il est très souvent compliqué de mettre fin au combat sans qu'il y en ait un des deux qui puisse ne plus respirer. À ton niveau, quand tu commenceras, c'est pas quelque chose qui te guettera. Par contre, si tu arrives au haut niveau... Il faudra que tu prennes conscience que tu rentreras dans la catégorie des matchs à mort. Et est-ce que ça arrive qu'il y ait des petits gars un peu paumés qui, pour une raison un peu absurde, arrivent à haut niveau directement? Directement. Des fous, ça, il faut gagner des combats, oui, effectivement, pour arriver dans le haut niveau. Après, des fois. Les plus forts proposent des challenges aux plus faibles et le combat a lieu. Bon, c'est souvent une très mauvaise idée. Hein, si tu comptes tenir à ta vie de la moindre façon, je te déconseillerais de combattre les gens qui sont là depuis une dizaine d'années. Je vais y réfléchir. Parce que HRP, du coup, ce qu'Esther est en train de se dire actuellement, c'est que pourquoi l'idée de pourquoi se lancer tout de suite comme ça dans le truc de combat, c'est déjà pour m'améliorer au corps à corps. Au cas où El Presidimento tenterait de s'en prendre à moi une nouvelle fois dans une ruelle ou autre. Également, évidemment, pour le fait de se sentir vivant à nouveau, alors que ces derniers mois ont plus été de la survie que de la vie. Et enfin, c'est que si jamais les combats sont à mort, alors certes, avoir la mort de quelqu'un sur la conscience, ça doit être particulier, mais bon, après, ça perd d'être des gens vraiment très recommandables. Mais c'est surtout que si l'adversaire meurt, il peut pas dire à tout le monde que j'ai un putain de bras en métal. Ce qui est un avantage non négligeable dans une fosse. Où tu donnes des coups de poing sur quelqu'un. Voilà. Après, le truc, c'est que je sais pas non plus quel genre de personne fait des combats de trucs. Donc je me dis que si jamais je commence avec un combat de mort et que le type, c'est juste une montagne de 3 mètres de haut, je vais juste me faire soulever. mais en soi, un petit gars qui est juste fort, bah, quand il va se prendre des patates en métal dans la gueule, il va... Ah, le seul indice que t'as, c'est que visiblement le plus fort qu'il a en tête est là depuis 10 ans. C'est le seul indice que t'as. Ouais. Ce sont d'autres cornilles là. ça serait génial. C'est Esther qui va dire ah, je vais faire un truc illégal. Elle tombe sur Cornilla, va mode, mais tu peux pas être partout. Oui. Non, parfait. Okay. Bah, il va te saluer, il va te dire que... il va te souhaiter de bonne chance, en fait, tout simplement, et qu'il est content de compter une nouvelle combattante parmi... Et tiens, sinon, une dernière chose. Oui. Ça arrive souvent que vous ayez des personnes masquées qui rentrent sur le ring avec des jeux de scène ou quoi? Alors, ce n'est jamais arrivé. C'est juste un espace de combat. Ok, j'aimerais changer tout ça. J'arriverai avec mes propres codes. Bien soit, il n'est pas interdit de venir masquer dans le règlement. Hein, après tout, tant que tu caches pas une arme dessous. Ça fait partie de ce que tu as le droit de porter. Si tu faisais attraper à cacher une arme, la personne finirait dans un sale état. Oh oui. Parfait. À ce moment-là, je le salue et puis je m'en vais. Ok. Et je fais très très attention sur le chemin du retour. Il y a de fortes chances que je me fasse suivre, donc je vais... Bon, déjà que ça fait des mois que je m'entraîne à me retourner toutes les deux secondes de la manière la plus rapide possible, à jeter des coups d'œil dans la moindre glace, dans le moindre reflet, dans la moindre flaque d'eau qui pourrait afficher la silhouette des procedimentos derrière moi. Je redouble d'efforts cette fois-ci pour être sûr que personne ne me suit. Ok. J'ai posé la question aux trois restants. Kornilov, Hugo, Victor, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce que vous vous retrouvez pour faire le point sur les premières informations que vous avez eues, bon, sachant que Hugo, tu es déjà au QG ? Ou est-ce que, enfin, du coup, pour Kornilov et Victor, est-ce que vous continuez sur votre lancée et vous ferez le point plus tard avec le reste de l'équipe ? Moi, je vais sûrement lancer. Ok. C'est-à-dire, tu vas voir Jean-Michel, c'est ça ? Désolé. Ouais, je vais voir Mario, Pierre et moi. Ouais. Ok. Bah moi, comme c'était prévu, je vais voir la famille. Je suis toujours sur le trajet. Ok. Très bien. Hugo, bah écoute, vu que tu as un deuxième créneau, si tu veux continuer, tu peux faire, si tu veux, un autre jet de créativité et voir comment les choses évoluent. Eh bien, c'est parti. Hop. Tac, ma fiche. Bon, je sais, de toute façon, il y a deux. 9. Ok. Eh bien, sans comment ça s'appelle ? Sans application, sans aucun bonus, etc. Ça fait du coup que c'est un jet très très compliqué. Ça, le fait de enchaîner sans pause, ça commence à vraiment te fatiguer. Et tu t'éloignes de plus en plus de l'efficacité que tu as dans ton analyse, dans ta prose. Et en fait, là, plus le temps passe, et moins tu es satisfait. Limite, en fait, les premières tentatives de vers que tu faisais étaient plus agréables que ce que tu es en train de pondre. La moindre phrase commence à t'énerver, trouvant à chaque fois que tu es en dessous, toujours en dessous, malheureusement, de ce que produit la Viridici. Victor. Je vais faire ça dans ce sens-là. Oui. Qui tu vas voir ? Bah, qui vas-tu voir dans ta famille ? Quel est ton plan ? Quel est ton... Je vais aller voir ma mère. Ma mère. Ah oui, d'accord. Ça va voir la famille proche. Oui, bah de toute façon, maintenant, faut y aller. Hein. J'ai envie d'aller voir la famille, autant aller jusque-là. Hein. Même si je sais que l'accueil ne va pas être foufou, mais on essaye, on verra bien. Très bien. Donc, tu vas aller voir ta maman. Donc là, on est vraiment dans la bourgeoisie vénitienne. On est vraiment dans la haute ville, dans le dans bah tout simplement voilà ce type-là. Alors je suis juste en regarder déjà quel âge a Victor. Oui, 36 ans. Ok, je vois. C'est pour voir que j'ai une idée à peu près de l'âge de ta maman, qui doit du coup avoir facilement la cinquantaine, voire la soixantaine selon l'âge où elle t'a eu. Donc c'est on ça. La met dans une soixantaine d'années. Très bien. Tu te rends du coup à la demeure familiale, parce qu'il est temps d'en parler, mais oui, la famille Conti a une demeure familiale à Venise. Un peu comme la machine pour la famille Del Lupo, mais qui était une famille un peu moins importante, donc pas aussi marquée comme... mais quand même une belle demeure familiale. Avec le même type de schéma, d'archétype, avec un majordome, ce genre de choses. C'est d'ailleurs le majordome qui viendra t'ouvrir en premier et te conduira jusqu'au salon de ta chère mère. Tu retrouves en fait tout ce qui est assez détestable dans ta famille. Ton prénom Victor n'existe plus, hein, c'est toujours Monsieur Conti par absolument tout le monde. Hein. Et tu sais que même ta mère utilise très peu le prénom en usage. Hein. Généralement, en fait, en Odile, on préfère le nom de famille et on se débrouille pour se comprendre de qui on parle. Ouais, ou sinon, elle m'appelle donc, fils. Enfin, tu sais, fils. C'est l'idée. C'est l'idée. Ce que je parlais de compter, c'est surtout pour le majordome, pardon, si j'oublie les R, ça le fait pas. Qui du coup, va directement te remettre dans cette ambiance-là dès ses premières phrases de Monsieur Conti, je vous mène à votre mère et qui te fait traverser du coup la demeure Conti. Tu arrives face à ta mère qui est en train de simplement s'occuper avec quelques paperasses visiblement, même si paperasses renvoie au papier, mais c'est du métal. Hein. Et tu es juste en train de s'occuper un peu quand tu fais éruption dans la pièce. Le majordome te présente que tu es arrivé et je te laisse du coup entamer la conversation. Bonjour mère. Comment allez-vous ? Ma foi, plutôt bien. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu votre visite. Oui, il est vrai que je n'ai enfin, malheureusement pas trop le temps de venir, mais mes fonctions de métropolite me prennent beaucoup de temps. Comment vont père et le reste de la famille ? Comme la dernière fois que tu les as laissés, plutôt bien, mais si ce n'est que votre père se fait vieux. Effectivement. Bon, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je sais à quel point vous êtes toujours très occupé et que les affaires de la famille sont toujours les plus importantes à vos yeux, mais je tenais à m'entretenir avec vous par rapport à une enquête sur laquelle je travaille actuellement. Alors, je vous passerai les détails parce que je pense que ça ne vous intéressera pas du tout. Mais je voudrais savoir si vous connaîtriez des gens qui seraient susceptibles d'avoir les qualifications pour travailler le papier. Je suppose que ce n'est pas pour que vous appreniez à dessiner et que vous mettez enfin à connaître un art. Non, malheureusement. Ma foi, certaines choses ne sont visiblement pas faites pour changer. Vous voulez donc acquérir du papier, c'est cela ? Alors, pas forcément acquérir, mais si jamais vous connaissez des gens qui en ont, pourquoi pas, mais dans un premier temps, des gens qui ont les qualifications pour travailler sur le papier. Le travail sur le papier n'est pas chose aisée et même plutôt rare. Vous avez bien la chance d'être à Venise, une ville remplie d'artistes, vous savez. Au moins, nous sommes capables de produire bien des choses. Je peux vous donner cela. Si vous avez besoin, je serai d'accord pour vous payer une feuille de papier, mais seulement une seule. Et considérez que c'est pour votre chaos, pour votre promotion dans votre travail. Eh bien, ma foi, ce serait très fort aimable et gentil de votre part, mère. Je n'en attendais pas tant. Oui, j'espère bien que vous saurez rendre l'appareil en étant un bien bon fils. Quoi qu'il en soit, si vous voulez chercher une artiste, allez voir Madame Mélodie. Ok, donc allez voir Madame Mélodie. Et où puis-je la trouver, mère ? Là, je te fais RRP, mais tu la connais déjà de réputation. Ça, c'est une amie de la famille, donc okay. Dans ton enfance, tu vois qui elle est. Tu sais qu'à la okay. base, c'est une personne qui est une seigneur traversière, je te le fais rapidement, qui vient de, des traverses d'Olmune. Donc, vous savez, la seule partie des traverses qui n'appartient bah, juste à des seigneurs traversiers qui sont contre l'évolution. Mais qui, en fait, a très vite quitté les traverses et se sont assez envie, c'est un peu... Elle est un peu mal réputée, tu le sais, grâce à ton oncle, bah, dans les traverses d'Olmune, parce qu'elle bah, est considérée comme une grosse traîtresse qui a rejoint les hérétiques membres d'une ville, alors que seul l'héritage des traverses, normalement, est censé exister. Mais voilà, tu sais qu'à la base, elle vient de cette culture-là. Ok. D'accord. Et en tout cas, je vous remercie, mère, et sachez que je saurai faire bon usage de cette feuille de papier. Je sais à quel point c'est quelque chose de rare. J'espère bien. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser à vos activités. Je sais à quel point... la famille compte beaucoup pour vous et je ne voudrais pas vous déranger dans votre travail. C'est bien agréable de votre part. À la prochaine, fils. Bien, à la prochaine, mère. Et je m'en vais avec ma petite feuille de papier. alors fais que tu n'as pas tout de suite ce qui te sera acheté. C'est une possession future. C'est quand qu'on me la livre. faut compter peut-être un jour ou deux quand même. Parce que... D'accord. C'est, enfin, c'est... Bon, j'en aurais une. Quoi. Elle me le livre au QG. Oui. Je lui donne l'adresse. Oui, tu vas lui donner l'adresse du QG. Elle va souffler te voir aussi bas dans la ville, mais c'est pas grave. Ah, c'est pour le boulot. Ouais, mais bon, c'est pas très prestigieux comme travail quand même, hein. T'aurais pu faire mieux. Ah bah écoute, je sauve des gens, moi, madame. c'est vrai, c'est vrai. J'avais envie de dire, c'est pas tout à fait vrai, mais vous avez réussi à la geste dernière de sauver Clint, donc j'accorde la phrase, je ne dis rien. Je rentre au QG, du coup. Ok. Esther, je voulais savoir, est-ce que tu comptes enchaîner sur un autre truc ou toi aussi tu rentres au QG après ton petit rendez-vous avec ton contact Je vais forcément rentrer chez moi un moment pour me changer. Oui. Et reprendre la rue de Métropolite. Mais non, vraiment, comme je dis, je vais faire le plus grand détour possible. Je vais passer par des petits coins que seul moi connais pour être sûr de semer de potentielles personnes qui auraient pu essayer de me suivre. Ok. Et d'ailleurs... que parfois je tends même entre guillemets des pièges dans le sens où en rentrant dans une ruelle je vais me cacher dans une espèce de genre derrière une caisse ou deux et c'est histoire de voir si quelques minutes plus tard rapplique quelques silhouettes planquées soit une silhouette unique avec un masque que je reconnaîtrais entre mille soit n'importe qui pourrait avoir l'air d'être membre d'une guilde. Très bien. La deuxième étape semble quand même plus probable, je précise quand même, parce que même s'il y a eu la grosse période de parano et le procedimento qui rentrait chez les gens, là on n'est quand même pas dans le pic de. Donc ça reste presque du réflexe post-traumatique, puisque. Oui. Je ne sais pas expliquer, mais enfin, je pense qu'on saisit quand même la nuance entre. Je regarde toutes les deux secondes derrière moi si y a le procedimento et juste. Ouais, il faut que je le fasse pour être assuré. Quoi. Ouais, totalement. Mais ouais, effectivement, ouais, c'est vraiment un mode survie paranoïa qui s'est inscrit maintenant chez Esther. Mais qui sait, ça te sauvera peut-être la vie un jour. Hein. C'est peut-être fatigant à vivre quand il ne se passe rien, mais... Dans deux campagnes des crimes, j'ai juste arrêté le procedimento comme ça, dans un moment random. Exactement. Ça ne sert à rien. C'est totalement probable. Parce que... C'est un réflexe, vous n'avez pas eu beaucoup à première geste, mais à un moment, il vous avait quand même en filature, donc ça aurait pu arriver. Ça aurait donc, on sait... On sait jamais. ça doit être dur à vivre pour Esther, mais ouais, peut-être qu'un jour, ça portera ses fruits, ça va peut-être te sauver la vie, qui sait. Mais ce voyage, tu vas le faire du coup sans accro. C'est ça, je suis tellement dégoûté que je le laisserai partir. Ouais, tu vas faire quand même un voyage sans accro, mais assez essoufflant. Et puis surtout que des fois, tu vas pouvoir te prendre des gros doutes, parce que oui, des fois, quand tu te caches, bah, y a quand même des gens qui passent. Que... Encore sur la fin de trajet, beaucoup moins, mais au début, tu es dans la base ville, et la base ville, c'est très grouillant, il y a beaucoup de gens. Et du coup, ouais, bah, il est très fort probable qu'il y a souvent des gens qui arrivent après toi. Et ça pourrait te créer des petits moments de stress jusqu'à temps que tu remarques qu'en fait, ils sont vraiment en train de t'ignorer. Ils sont en train de faire leur vie. Ok, parfait. Passons du coup à la dernière personne en train de travailler, c'est-à-dire Kornilov. Kornilov, tu t'es rendu aller voir, du coup, tu es retourné à cet énorme bâtiment qui est le bâtiment de la Loge des Antiquaires. Et tu y vas afin de rencontrer ce fameux. Excusez-moi, j'ai oublié son prénom, Mario Pierret. Tu en effet. Ok. Eh bien, tu te rends là-bas, je suppose que tu vas aller simplement lui demander d'une quelconque façon, c'est ça, genre tu te rends plus ou moins entre guillemets à l'accueil, puisque c'est à ça que ça sert, et tu demandes si ce Mario est présent. Exactement, c'est tout à fait ce que je fais. Ok. On te répond que oui, il est présent, et que tu vas aller pouvoir le voir en suivant une direction. Je rappelle que c'est un bâtiment qui est assez peu haut, contrairement à l'habitude de ce qu'il y a à Venise, mais qui est très, très, très, très, très, très, très étendu. Excusez-moi. Et donc, bah, voilà, typiquement, il va te falloir traverser facilement la moitié du bâtiment pour aller dans ces quartiers, là où il effectue sa profession. Donc après beaucoup de temps de marche, hein, facilement 10-15 minutes, tu arrives dans sa petite salle où il est en train de travailler, dans son petit atelier. Et dans cet atelier, il est actuellement avec quelqu'un en plein milieu de son activité, puisque tu le vois, ce fameux Mario, qui est un homme plutôt en embonpoint, une bonne calvitie, donc tu sens qu'il est quand même dans un âge avancé, et qui est tout simplement en train de tatouer une personne. Eh bien, je vais m'approcher, tout simplement. En réalité, je vais même pas faire fi de politesse à voir si je dois attendre ou pas. Je vais juste rentrer dans leur espace vital. Et je vais juste imposer ma présence sans rien dire, juste histoire de montrer que je suis là et voir si comment ils réagissent. Bah, tu vois que... Il te lance un petit regard, il reste concentré, et il va laisser passer quelques secondes, voire une petite minute de silence, le temps de terminer un trait sur son tatouage. Puis, vraiment lever la tête cette fois pour montrer qu'il est prêt à entamer une conversation. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, vous êtes Monsieur Pierret ? C'est ça, oui. Mario, de mon prénom. Je me présente, je suis Monsieur Vichininski, je suis là pour vous parler en rapport avec mon métier. Très bien, très bien. Eh bien, je vous écoute. Je jette un petit coup d'œil à qui c'est qu'il est en train de tatouer, de quoi ça a l'air. C'est une jeune femme, qui est blonde et qui rentre se faire sur le bas du dos, en fait, tout simplement, rentre se faire un petit symbole pour l'instant auquel tu ne reconnais pas de signification ni rien. Ça t'a l'air pour l'instant inconnu, mais il n'est pas terminé. Tu te dis que peut-être avec quelques traits supplémentaires, censé représenter quelque chose que tu connais. D'accord. On m'a redirigé vers vous, il semblerait qu'a priori, mis à part la peau, vous saviez aussi vous occuper du papier. Ouais, tout à fait. C'est très très rare, mais j'ai déjà dû travailler dessus pour un artiste. C'était il y a quelques années de ça. Vous sauriez gratter du papier, retirer des choses qui ont été écrites, et pourquoi pas écrire de manière propre par-dessus aussi. Non, excusez-moi, madame. Bon, rhabillez-vous, le temps que je finisse cette conversation, on reprendra après. Tu vois que du coup, elle se redresse et recommence à simplement remettre son... Tu vois qu'il réfléchit. C'est un peu compliqué ce que vous me demandez là. Mais je pense que si vous me donnez les moyens nécessaires en termes de matériel, hein, que je ne possède pas forcément, parce que vous comprenez bien que je n'ai pas grand-chose à faire dans l'intérieur, qu'il faut travailler du papier, étant donné que je ne travaille quasiment peu dessus. Mais si vous me donnez les moyens, je pense être en capacité de le faire, oui. Ça prendra du temps. C'est un travail très minutieux. C'est coûteux, mais c'est faisable. Qu'est-ce qu'il vous faut en termes de moyens, vous me dites ? J'ai besoin de quelques outils, j'ai besoin de ci et là, un peu d'encre, un peu de ce genre de choses, simplement des outils de travail. Maintenant, vous êtes du ministère, je pense qu'ils ont peut-être déjà de quoi avoir chez vous. L'artiste chez qui je travaillais me disait qu'il y en avait pour un petit millier de liges. Je vois, et on serait dans combien de temps si vous aviez ce matériel-là? Vous y mettriez combien de temps? Ça dépend si vous êtes très minutieux, si vous demandez vraiment un résultat vraiment impeccable. Une semaine, avec peut-être quelques jours supplémentaires. Si après vous voulez quelque chose de rapide mais qui rendrait la feuille très fragile et surtout qui laisserait des traces, je peux m'en occuper en 2-3 jours. Et si vous faites ça rapidement mais que vous êtes motivé à faire ça bien? Vous savez, c'est un travail qui est très minutieux. Je peux faire au mieux, je peux essayer d'atteindre des 4-5 jours, trouver quelque chose d'optimal, mais c'est le genre de travail où c'est très difficile, hein, d'être rapide dessus sans gaspiller de la ressource et laisser des traces. Très bien, merci pour les informations, je vais garder ça en tête. On vous recontactera si c'est nécessaire, j'imagine. Très bien. Mais écoutez, je suis souvent ici. Et sinon, j'habite à la frontière du quartier de l'Arbre. Vous me trouverez assez facilement. Ma maison a des gravures qui représentent mon nom. Très bien. Ouais, ça fait un plaisir. Et bientôt pareil. À bientôt. Très bien. Cette rencontre est en fait. Kornilov, est-ce que tu comptes aller autre chose, faire autre chose immédiatement ou... Non, je vais retourner à notre QG en me répétant dans la tête en boucle que pourquoi on n'a pas été voir déjà du côté de la propagande chez nous s'il n'y avait pas de quoi traiter ça. Ah. C'est moins stylé. J'ai la réponse. Je me permets de te la dire, ce qu'elle venait de toi de base, c'est que parce que tu voulais pas ébruiter l'affaire parmi les trop gros dignitaires. Oui, mais enfin, on peut faire passer ça en scred. Oui, effectivement. Du coup, on va vous laisser chacun rentrer de distances différentes, donc ça va prendre un sacré bout de temps dans la journée. Et vous vous retrouvez tous au QG. Hugo, toi, tu continues de travailler sur ton poème, pour l'instant, de manière très, très, très difficile. Et avec rien de qui en ressort. Ton poème n'est pas encore... Tu n'arrives pas encore à avoir quelque chose de concret. Bien. vous retrouvez, et donc je vous laisse, si vous voulez, discuter de la suite, faire un topo si vous en avez envie, et me dire ce que vous voulez faire. Bon, mes chers amis, je pense que nous sommes un groupe de métropolites chanceux. Mmh. Alors, dans un premier temps, je suis allé voir mon oncle, comme vous le savez, pour essayer de trouver des informations sur, sur des probables connaissances. Il m'a fait part que oui, il en avait, mais bon, c'était à 20 jours aller-retour de Venise sur des traverses. Je pense que c'était un peu trop loin, un peu trop compliqué pour s'occuper de ça. Je pense qu'on en a besoin un peu tout de suite. Et du coup, contraint, forcé, sur le conseil avisé de mon oncle, eh bien, j'ai pris sur moi et je suis allé voir ma famille. Vous savez à quel point c'est difficile pour moi d'aller les voir. Mais bon, quand l'enquête le demande, je sais faire fi de mes... des choses comme ça, et je suis allé voir. Eh bien, il faut croire que j'étais bien inspiré, puisque non seulement ma mère connaît une personne qui pourrait nous aider dans le fait de travailler le papier, puisqu'elle connaît une femme du nom de Mélodie, qui est assez réputée dans le domaine et qui pourrait... nous aider, mais je dois dire, et ça m'a plutôt surpris venant de ma mère, eh bien, elle va nous faire livrer d'ici un ou deux jours une feuille de papier. Une vraie vierge. Eh bien, dis donc. Mais oui, j'ai été le premier surpris. Je dois dire que ce n'est pas du genre de ma mère habituellement. Mais je pense qu'elle était d'humeur généreuse et que peut-être les choses vont bien dans la famille. Du coup, elle a mentionné le fait de féliciter dans mon accession en tant que métropolite. Et donc, elle nous offre une feuille de papier. Tu sais que vu la conversation, elle était de très bonne humeur. Voilà. Ouais. Mais voilà. Donc, ma foi, je pense que nos soucis de savoir comment, je pense, sont réglés. Maintenant, il va falloir maintenant bien travailler cette feuille pour écrire de manière à ce que ce soit le fait de la meilleure des façons possibles. De mon côté, j'ai pas eu de papier que ce soit, donc heureusement que tu es là. J'ai trouvé un artiste, ou en tout cas quelqu'un qui se dit artiste, qui est capable, a priori, de travailler le papier. Il faudra payer, cependant, il faut lui donner le matériel qui sera nécessaire en plus du papier. Donc ça demande de l'argent. Très exactement, je ne l'ai pas noté, mais là je le dis à l'oral, c'est... Et voilà, tel nombre d'argent, parce que je ne l'ai pas noté. Il faut compter environ un millier de liges pour avoir tout le matériel nécessaire à traiter une feuille. Un millier de liges. Alors, soit on fait ça, soit on laisse Hugo écrire son poème sur le papier directement et on espère qu'il écrive bien. Bien. De toute façon, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que tout ceci n'a servi à rien du tout. À rien du tout. Parce que, comme évidemment, comme j'écris, mais rien ne va. C'est ça, rien ne va. C'est ça le problème, c'est que je rien ne va. Eh bien, vous voyez là, tout ce que j'ai fait ce matin, là, toute cette tablette de cire, eh bien, je vais la péter, et puis je vais aller voir n'importe quel gueux dans la rue, et je vais lui donner une plume, et il écrivera mieux que moi, d'accord ? Très bien. Eh bien, de mon côté, je suis allé à l'usine. J'avais un employé qui ne cessait de se vanter de son oncle qui, soi-disant, posséderait, enfin, son oncle, son bel-oncle, une feuille de papier vierge encadrée dans sa maison. Mais après une entrevue avec lui, il ne s'agissait que de racontars inventés pour amuser la galerie et faire son intéressant. J'ai fait chou blanc, malheureusement. Donc, il nous manque de quoi écrire et il nous manque quoi écrire. Eh bien, pour l'encre, peut-être que tu pourrais retourner voir ton contact Kornilov, il doit avoir ce. Ou alors dans n'importe. Quoique, bah non. Quoique, peut-être si. La conteuse nous le dira, mais est-il facile de se procurer de l'encre pour écrire? Puisque si jamais ça sert qu'à écrire, la réponse sera non. Et si jamais il peut y avoir une autre utilité à de l'encre pour écrire que d'écrire sur une feuille, eh bien peut-être. Alors, il y a d'autres utilités, donc c'est pas impossible effectivement de s'en procurer. Par contre, effectivement, c'est pas le matériel le plus simple. D'ailleurs, j'étais recherché la stat que j'avais un doute, je vais pas vous dire de bêtises, mais j'avais le bon chiffre en tête. Mais pour donner un ordre d'idée, hein, mais votre salaire actuellement est de 30 liches par mois. Si mes souvenirs sont bons, et normalement, si je ne me suis pas trompé de catégorie sociale, hein, c'est votre salaire depuis le début du jeu. Ce qui est déjà très bien, hein, je veux dire, un ouvrier, c'est maximum 10 liches, mais. Voilà, ce que je voulais dire, voilà, c'est que voilà, niveau prix, il va falloir économiser pas mal. Si vous voulez payer ça de votre poche. Mais voilà, mais pour l'encre, ça doit être trouvable. Qu'en est-il de l'usure dans l'univers des crimes? Est-ce qu'il y a le droit d'emprunter de l'argent? Est-ce qu'il y a des organismes, des banques qui prêtent de l'argent? Alors, je viens à ton point, je réponds d'abord à Esther, parce que je viens de vérifier, histoire de ne pas dire de bêtises. Mais en fait, l'encre est en fait assez commune. Je disais des bêtises, excusez-moi, mais à coup pas. Parce que si le papier n'est pas commun, le parchemin, lui, existe. Et il y a des parchemins à base de cuir d'animal, le genre de truc. Par exemple, de mandre ou de peau. Donc, en fait, l'encre est malgré tout assez commune. Donc, choper un encrier, en fait, c'est plutôt simple. Voilà, excusez-moi, je commence à dire n'importe quoi, je vérifiais, mais voilà. Voilà. Sachant que voilà, c'est qu'en fait, ce qui est vraiment rare, c'est le papier de bois, mais il y a des substituts, il y a voilà, des trucs comme ça à base de menthe, de peau. En gros, si vous voulez une plume, un encrier, vous pouvez en avoir pour une lige. Ce qui est quasiment le salaire d'un saisonnier, mais vous n'êtes pas saisonnier, donc ça va. Voilà. Et donc, pour ce qui est de le principe d'emprunt, etc., ben, ça n'existe pas parce que, comme je vous rappelle, mais Écrim, en fait, a vraiment deux systèmes monétaires différents. Il y a les liges, etc., qui fonctionnent surtout pour la haute ville, etc., pour les gens qui peuvent se le permettre. Mais en fait, la plupart du temps, c'est rarement des vraies pièces qui sont accélérées. C'est surtout que tu sais que tu as une richesse quelque part qui te permet d'acheter, parce que la plupart, en fait, fonctionnent en troc et en service. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'en gros, tu m'as rendu service et qu'en gros, ben, pour environ 200 liges chez moi, je peux te rendre ce même service. La monnaie est plus virtuelle que physique, hein, vraiment. Comme je le disais, votre salaire, moi, je ne vous le donne pas à chaque fois parce que, en fait, vous n'allez pas le retirer. Vous voyez, ce n'est pas comme nous dans la vraie vie, on ne va pas retirer l'argent pour acheter quelque chose. C'est qu'en gros, vous savez que tant du mois, quand un mois commence, vous avez en gros 30 liges qui vous est disponible par du coup le ministère. Et après, en fait, c'est vous quand vous allez acheter, vous êtes en mode voilà, ça vient, vous mettez ça sur telle note du ministère. En fait, c'est plus un système qui est comme ça. Donc le prêt n'existe pas en soi parce que bah, l'argent est moins populaire que ça et que comme les gens qui ont l'argent sont des gens qui n'ont pas besoin de prêt et que les pauvres ont eux le système de troc. Voilà, du coup, c'est pas quelque chose d'installé. Avez-vous d'autres questions? Ce que j'ai encore à dire à tout le groupe, c'est que si on veut faire ça rapidement, si on veut éviter que ça prenne des proportions énormes, Si on veut ne pas avoir à se ruiner et à s'endetter pour toujours pour faire ça, il va falloir prendre le risque que beaucoup de gens soient mis au courant pour empêcher que des gens soient mis au courant. Et c'est-à-dire qu'il va falloir laisser ça tout simplement au ministère de la propagande et leur dire voici le papier, voici le poème qu'on a une fois qu'on l'aura et faites ceci. Et faites-le pour nous, quoi, et débrouillez-vous. On peut pas faire de A à Z parce qu'on voit bien que ça dépasse nos moyens. Bien, bah, par silence, je considère que tout le groupe est unanimement d'accord avec vous. Enfin, avec toi. Après, déjà, on a le plus gros du train. Enfin, on a quand même déjà 50% du truc, parce que jamais je n'aurais pu imaginer qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'une feuille de papier. Imaginez-vous cette feuille qui va arriver demain, où ce sera notre feuille de papier. maintenant, il y a toujours cette mélodie que ma mère m'a conseillé de rencontrer. Je peux toujours essayer de la rencontrer en venant en tant que Monsieur Conti et non pas Victor. Et on n'a pas essayé. Ouais. Mais j'imagine que c'est notre dernière piste avant de devoir dire qu'il faut déléguer à quelqu'un. Voilà. Donc, je pense que l'idéal, ce serait maintenant d'attendre d'avoir cette feuille. Et une fois qu'elle sera là, peut-être me rendre, ou nous rendre, si vous voulez, voir cette fameuse Madame Mélodie, qui est quand même assez connue dans le milieu. Et qui, je pense, si ma mère... me demande d'aller la voir, je pense qu'elle a des qualifications somme toute assez élevées. Ok. Voilà. Eh bien, sur ce, je pense que si vous voulez, on peut, en attendant d'avoir cette feuille, peut-être se concentrer sur une autre partie de nos affaires et peut-être, dans ce cas-là, nous rendre dans le quartier du Bartow, il me semble. Celui où est Madame Azenati. Tu veux encore fouiller sa maison? C'est ce qu'on avait prévu avec Esther. À moins que Esther, tu n'aies plus envie d'y aller. Non, si jamais tu veux qu'on y aille, on t'accompagne, y a pas de souci. Tu voulais y aller au début. Oui, non, moi, ça me va très bien, ça me va très bien. Voilà, après, je sais que notre théorie, Korninov, ne te sied pas et que tu n'es pas trop... tu penses que c'est un peu une voie de garage, mais on ne sait jamais. Ça ne nous coûte rien de peut-être creuser. Au pire, ça confirmera tes dires, mais au mieux, on pourra peut-être avoir quelque chose, puisque ce ticket, elle l'a bien pris et elle ne l'a pas utilisé. Pourquoi ? Parce qu'on a enquêté. Mais très bien, on va y aller. Ça clôturera l'affaire. Au moins, on aura plus à s'en occuper par la suite. Puis ça nous tiendra jusqu'à ce que la feuille arrive, au pire. Bon, allons-y alors. Ok. Eh bien, prenons les vélos. Quelle heure il est là ? Parce qu'on a fait des choses quand même. Merci beaucoup de réussir à faire avancer l'histoire même quand ma connexion meurt. c'est un vrai merci. C'est génial. Du coup, vous êtes déjà à l'étape d'après sans que j'aie à poser de questions. Oui, l'heure, parce que malgré tout, je vous entendais bien, donc ça c'est cool. Il est... Alors, je considère en gros qu'il y a eu la matinée, donc là, vous êtes vraiment après-midi, genre 14h. Question à la conteuse. Est-ce que j'ai une idée d'où pourrait se tenir le rendez-vous de ce soir, hein? J'imagine que s'il n'y a pas de plus de pression, c'est que c'est sans doute un lieu de rendez-vous habituel. Exactement. L'idée, c'est que quand même, vous avez été assez complices, etc. Il y a effectivement un lieu qui vous est assez commun. Et d'ailleurs, j'ai même envie de te laisser un peu choisir ce côté-là, parce que ça reste des trucs grands et que moi, j'aime bien voir ce qui vous plaît. C'est un lieu, en gros, que vous avez partagé. Et vous savez, c'est un peu votre lieu de complicité. Un truc juste pas évident, genre au milieu d'une rue où il y a plein de passants, et notamment peut-être des membres d'une guilde qui te détestent, évidemment. Mais voilà, je te laisserai du coup au choix ce petit lieu de rencontre que tu as avec, avec lui. Ok, j'ai. Parfait. Je te laisserai me le dire quand il sera l'heure du rendez-vous. Je te conseille de le noter parce que, sans vouloir vous spoil, mais c'est très probable que le rendez-vous soit l'ouverture de la prochaine session. Ok. Et ce sera sans doute dans le quartier des artistes. Tu sais, celui où on était allé voir le peintre ou sculpteur, je ne me rappelle même plus pour lequel on était allé voir, dans le... au niveau des espèces de bâtiments pour en pyramide, je ne sais pas si tu te rappelles du... Mm-hmm. Je crois que c'est écrit très mal. Hein. C'était pour le... pour le salon. C'était pour le salon. Je crois que c'est ça. Ouais, ce soit... Et ils avaient un truc bizarre de route qui passait au-dessus des bâtiments. Je crois que c'était comme une pyramide ou... C'était il y a trop longtemps. Non, la route au-dessus des bâtiments, ça c'est les... ça c'est le quartier des ponts de souvenir où t'as le... quelques bâtisses et que des ponts au-dessus. Tout en bas, t'as quelques bâtisses dans l'ombre. Il y avait un truc spécial avec ceci, parce que papa, j'en avais fait un dessin. Mais c'était il y a longtemps, mais c'est pas très grave. T'es allé voir l'artiste. Je reverrai mes notes de quartier, parce que je fais de la hiérarchie d'informations, donc normalement je devrais retrouver. Là, comme ça, je t'avoue que je ne crois pas que ce soit le quartier des artistes, mais je verrai. Mais en tout cas, je vois, et comme c'est pour... désolé pour le spoil, du coup, pour la prochaine session. Je vérifierai l'information, voir ce qu'il en est. Yes. Très bien. Donc voilà, il est 14h et vous vous rendez du coup au quartier du Marteau, voir le bâtiment de Maria Zenati. Alors, vous allez chercher quoi exactement là-bas? Dites-moi tout. On était parti. Je regarde un petit peu dans mes notes, parce que là, j'avoue que c'est pas. Voilà. Je pense qu'on. On était parti au départ plus pour creuser sur ce fameux ticket de dirigeable. Parce qu'en gros, c'était vraiment de tout ce qu'on avait comme info, le truc le plus... qui était un peu obscur dans l'idée. Dis-moi si je me trompe, hein, parce que j'avoue que ça fait. Non, pour pas. Enfin, moi, de mon côté, ça semble cohérent. Ça existe. Parce qu'il y avait bien le truc du. Le truc de musique, là. Je sais plus le nom. Le gramophone. Gramophone. Mais bon, après, c'est pareil. Gramophone. Qui a disparu, où il est passé, est-ce qu'elle en avait un Pourquoi il aurait disparu? Est-ce qu'elle ne l'a pas vendu pour acheter son ticket? Je vois. Voilà, enfin, il y a un peu des petites parts d'ombre dans cette affaire. Et du coup, aller faire un tour là-bas, peut-être questionner des gens de son entourage. Après, je ne pense pas que regarder son appartement une deuxième fois va servir vraiment à grand-chose. Ouais, parce qu'en plus tu nous disais qu'il n'y avait pas vraiment de trace d'un achat, il y a juste le ticket. Qui était un ticket dirigeable. Alors, ce qu'on pourrait essayer de voir, c'est combien ça coûte un ticket comme ça en termes de tarifs. C'est un très bon point de départ, ouais. Ça ne doit pas être donné, j'imagine, un voyage en dirigeable. Toutes les bourses. Effectivement. Bah écoute, ouais, on peut commencer déjà là-dessus, essayer de se renseigner sur les le tarif d'un truc comme ça. Et du coup, on se rendra vite compte si elle avait vraiment les moyens de se payer un tel truc. Parce que ouais, elle était professeure de musique, enfin. Oui, elle était professeure voilà. Populaire. Pas avoir gagné des masses. Et elle faisait du bénévolat pour le théâtre. Donc oui, effectivement, c'était pas dans les grands métiers. En plus, comme c'est populaire, elle est même pas dans le fonctionnaire. Donc tu sais que ouais, son salaire, tu peux l'estimer facilement à 5 ou 10 000. Ouais, moins que nous, quoi. Beaucoup moins. Ah oui, clairement. Ouais. Ben écoute, alors du coup, où est-ce qu'on pourrait se renseigner là-dessus? Est-ce qu'il y a genre une entreprise qui gère ça Mais tout à fait, tout à fait. Il y a du concern derrière ça. Forcément, là où il y a marché, il y a concern. C'est là tout le but de la noblesse marchande. Et du coup, tu peux trouver ça assez facilement à plusieurs endroits à Venise. Alors forcément, en fait, c'est forcément sur le bord extérieur de Venise. Logique, hein. Plus tu te rapproches des traverses, plus tu trouves les moyens de transport pour traverser les traverses. C'est assez cohérent. Mais en fait, tu sais qu'en fait, quasiment tout le bord de Venise est peuplé, mais vraiment quasiment que de services comme ça. Tu sais que voilà, tu vas à n'importe quelle porte, nord, sud, est, ouest, tu trouveras les locomotives, tu trouveras des dirigeables, tu trouveras voilà, plusieurs services de voyage qui te seront proposés. Ok. Bon bah on y va ? On se lance ? Allons-y. Bon bah on y va. Vous y allez sur vos super vélos, toujours améliorés par Esther. Hein, je vais le dire à chaque fois parce que c'est quand même. On va prendre un moteur à la fin. Super mobilette. Ce sera plus les vélos, ce sera des mobilettes. Ah, mais hey, on ne sait pas si geste 2, Esther repasse un petit moment de session à travailler sur les vélos. On va peut-être finir par encore améliorer le concept. Voilà. Hein. Ils vont rouler à l'écrime. Tu prends un pit. C'est... hey, ouais, bonne... Officiellement, il y a déjà un système de transport qui fonctionne. Alors, c'est pas à l'écrime, c'est. Ah, mince, j'ai oublié le nom de cette matière. C'est vrai qu'on la voit assez peu parce que pour l'instant, je traite assez peu du voyage dans ma narration. Excusez-moi. Bon, je retrouvais ce nom. Je vais attendre que Kemo revienne, mais du coup, il est revenu, donc je vais passer à la suite. Mais juste. Comment il s'appelle comment ça... Voilà, l'hydrocrime. Voilà, l'hydrocrime qui officiellement n'est pas de l'écrime. C'est une matière qui est très utile, notamment pour tout ce qui est à gaz et qui fait fonctionner une bonne partie de la société. Ok. À voir pour le futur. Voilà, voilà. Bon, à savoir pour le futur. Bref, vous décidez de vous rendre du coup vers un de ces concernes parmi lesquels, enfin n'importe qui propose finalement un voyage en dirigeable, c'est ce qui semble vous intéresser. Vous traversez du coup une bonne partie de Venise, encore une fois, comme d'habitude, hein, ces mêmes transports, toujours assez compliqués, parce qu'il y a beaucoup d'escaliers, de marches, de ponts, etc. Mais, encore une fois, hein, les vélos d'Esther sont faits pour être de plus en plus efficaces dans la ville, donc ça reste agréable comme trajet. Oui, ils sont pliables de souvenirs, donc en effet, oui. Lors d'un escalier, on peut se les ranger dans le dos, se les accrocher, et puis... Exactement ça. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, le trajet devient assez routinier. C'est vrai qu'avant, peut-être d'être métropolite, traverser toute la ville, ça avait l'air d'être une tare. Aujourd'hui, ça devient vraiment un peu votre routine. Vous avez l'habitude, il faut aller à là, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Vous passez des demi-journées entières à marcher et à être sur vos vélos, mais au moins, vous faites vos trajets comme il faut. Quoi qu'il en soit, quelques temps plus tard, vous finissez par arriver là où vous voulez. Vous arrivez face à une grande bâtisse avec une grosse sculpture sur sa façade, une sculpture qui représente un joli dirigeable et qui s'appelle Aux Deux Frères, hein, ce qui, du coup, vous laisse deviner que c'est sûrement une petite conserne familiale derrière tout ça. Enfin, du moins, que c'est lié à un conserne. Je vous laisse aussi rentrer et du coup poser les questions que vous voulez. Eh bien, après toi, mon ami Victor. Bien, bonjour. Alors, je pense que là, on peut être habillé en métropolite, non ? Parce que on ne va pas se cacher particulièrement. Bien, bonjour. Nous aimerions savoir à peu près combien coûte ce genre de ticket. Et donc là, je sors la plaque où est noté du coup le trajet. Donc je lui tends. C'est une femme qui te répond. D'ailleurs, c'est deux femmes qui s'en rendent de travailler. Bien sûr. Laissez-moi regarder. Donc tu lui donnes du coup la petite plaque de métal. Elle regarde et tu vois que elle lâche un petit. C'est pas chez nous ça. Très bien. Je regarde. Je ne saurais dire pour le prix d'un concurrent. Bon, le concerne bien entendu du voyage régule les prix. Donc s'ils ne se sont pas des arnaqueurs, et je vous le souhaite de ne pas avoir commandé chez un arnaqueur. Le coût du dirigeable entre ici et Eol, c'est le vrai à 10 liges. Ok. 10 liges ? Bande d'escrocs. Non. Ok, 10 liges. Alors, en vrai, c'est pas donné, quoi. C'est une sacrée somme, hein. C'est l'intégralité de son salaire pendant un mois, quoi. Le Eol se trouve assez loin de Venise, malheureusement, vous savez. Malgré tout, pour un prix en dirigeable, ça reste tout à fait, ma foi, fort peu coûteux. Il y a d'autres moyens de voyage. Il y a le Transécrim, par exemple, qui en troisième classe ne coûterait que quelques sous. Si vous prenez un dirigeable, c'est que vous savez que vous en avez les moyens. Ce que je veux dire, quel serait l'intérêt du dirigeable par rapport au Transécrim ? La rapidité, évidemment. Nous sommes dans les airs, nous n'avons pas... c'est plus sécurisé. Hein, il n'y a pas d'attaque de la part des marches mongoles ou ce genre de choses. Le dirigeable a cet avantage d'être rapide, sécurisé et de proposer véritablement un transport. C'est une philosophie de voyager en dirigeable. Nous avons vraiment le confort que vous n'avez jamais vu avant. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, pardon. Non, rien. Oui, très bien, oui. Mais vous dites que le ticket n'est pas de votre concerne, mais quel est le... Vous sauriez nous dire de quel concerne il s'agit ? Ah non, je suis désolé, c'est juste que nous marquons de nos initiales nos plaques afin d'être sûr que nos clients... viennent bien de chez nous, mais cette plaque n'a absolument aucune signature. Elle doit venir, à mon avis, de... Je ne veux pas être médisante, hein, loin de moi cette idée, mais quelques collègues qui font un peu moins attention, disons, à la qualité de leur transport. D'accord. Ok. Les voyages en dirigeable... J'imagine, sont plutôt réglementés et il n'y doit pas y avoir une grande quantité d'entreprises, enfin de concernes qui proposent ce genre de service. Non, effectivement, nous sommes assez peu. Alors, nous sommes tous unis sous le concerne de voyage en dirigeable. Oui, pardon. Mais nous sommes aussi en association, en association, bien entendu, ça fait partie des normes. Hein. Avec la loge qui surveille que nos dirigeables soient tout simplement en état de voler, qu'ils soient en sécurité, etc. Ce que j'entends par là, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas une vingtaine par ville à proposer ce genre de service. Nous sommes 4, 5. C'est par exemple nous, aux deux frères, que nous gérons, sachez-le, plus de 3/4 des transports qui quittent Venise. Pouvons l'affirmer avec fierté, nous sommes numéro 1 du marché. Écoutez, c'est une bonne chose à savoir, et sachez que si j'ai besoin de prendre le dirigeable, eh bien, vous avez un client de plus. Putain. C'est bien si, je suis désolé. Oui, bien sûr, je vous écoute. Imaginons que nous soyons venus vers vous actuellement avec un billet, enfin, en tout cas un ticket avec vos initiales gravées dessus. Avez-vous un système quelconque pour savoir s'il s'agit d'une arnaque ou d'info? Eh bien, c'est un peu secret, mais comme vous êtes métropolite, je m'autorise de vous le dire, puisque je vois que vous êtes bien là de manière officielle. Hein, nous sommes d'accord. Effectivement. En effet, c'est nous sommes en mission. J'allais dire pour le Seigneur. Ne t'en fais pas, moi aussi, ça fait des sessions rigolotes. Il y a une manière, nous avons un graveur bien particulier qui utilise une certaine technique où lui seul est capable de la reproduire. Ça se joue sur quelques nuances, mais disons que quelqu'un qui grossièrement essaierait de graver nos initiales risquerait de ne pas le voir, et nous avons forte chances à penser que nous pourrons le repérer assez rapidement. C'est risqué, mais c'est le seul moyen que nous avons trouvé assez peu coûteux de différencier un faux ticket d'un réel. Déjà, le fait de graver nos initiales est déjà un très bon moyen, parce que la plupart des receleurs de mauvaise qualité ne prennent pas ce genre d'attention et font des tickets qui pourraient être utilisés n'importe où ailleurs. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes numéro 1, c'est qu'ils savent, les clients savent qu'avec nous, il y a un minimum de sécurité et que nous ne le sommes pas rentrés n'importe qui alors. Ok, donc 10 liges et vous êtes à peu près 4 ou 5 à proposer ce genre de service. Tout à fait. Du coup, je me retourne un petit peu vers mes collègues en mode. Je parle un peu doucement pour pas forcément qu'elle entende tout ce que je suis en train de dire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on s'arrête là ou on peut-être prendre le temps d'aller visiter les autres pour peut-être voir si ce ticket leur dit quelque chose ou pas du tout? Je te répondrai que si on en croise un autre sur la route, on peut aller les voir. Maintenant, étant donné qu'il n'y a pas d'initial sur celui qu'on a, on risque de faire tous ceux de la ville avant de trouver une réponse positive, même si le système a l'air quand même assez propre à cette compagnie. On a déjà a priori une idée de prix, ça peut atteindre maximum les diliges. Celui-ci vient peut-être d'une compagnie moins chère ou alors est un faux. Aussi. Ok. Donc maintenant, à savoir que 10 liges à mettre sur la table pour cette dame, c'était quand même une sacrée somme. Et que ne pas utiliser ce ticket, c'est quand même assez surprenant. Même malgré le fait que vous. Comme tu l'as noté, Kornilov, que c'était au moment où on enquêtait sur tout ça, mais de là à ce qu'elle s'assoit sur 10 livres, pas 10 liges, pardon, c'est quand même. Tu as raison, ça, mon explication ne tient plus trop à présent. On est quelque peu bloqué. Ce serait peut-être intéressant de chercher des proches de Madame Azinati pour voir si elle avait déjà parlé de quelques problèmes de santé ou ce genre de choses. On pourra aller revoir notre ami. Grand ami. Je me souviens de son nom. Aaron Highsmith. Le gars du petit théâtre rouge là qui nous aimait pas trop parce que a priori le ministère de la propagande a jeté son frère dans les crimes, qui travaille au petit théâtre rouge, c'est une des rares personnes qui a encore envie là-bas. Il reste aussi le mari de la victime du théâtre aussi. Je crois pas qu'il ait bossé directement. Je crois pas me souvenir qu'il ait bossé. Il est musicien, non? C'était pas un musicien, ouais, le mari de. Il est ailleurs. Il aidait, mais il faisait pas partie de la troupe. Ah d'accord, donc il la connaissait pas alors. D'accord. Voilà. Ouais, donc, voir ce harem pourrait nous éclaircir sur la vie habituelle de Madame Azidetsi. On peut aussi aller voir à l'école. Oui, aussi, ouais. Ça peut être intéressant d'aller à l'école. On a déjà fait un peu le tour. On a déjà fait ça, un peu, tous ces petits tours, mais maintenant qu'on sait quoi chercher, on va peut-être trouver. Mais... Probablement, je pense que c'est quelque chose à creuser. Juste comme ça, conteuse, un gramophone, ça coûte combien ? Bien sûr, je te réponds dans quelques secondes. Un gramophone, je vous avais dit le prix il y a quelques sessions. Complètement sorti de la tête. Il y a pas de problème, hein, c'est normal. Tu vas pas retenir tous les prix du monde, même moi. Hein, attends, alors je sors ma calculette. alors c'est dans quoi ? Gramophone. Attends. Ah, c'est dans quoi ? J'ai un éclair. Attends, là il y a un disque. Attends, excusez-moi, je sais qu'il est dans mon truc, mais là je le trouve pas. Ok, je te laisse le temps de trouver et je vais faire une intervention RP. Ah, attendez! Non, oui, c'est. Qui est la personne qui a trouvé ce ticket? C'est toi, Victor, ou c'est toi, Esther? Je crois que moi je fouillais la poussière à ce moment-là. Je crois que c'est moi qui suis tombé dessus, il me semble, conteuse. Okay. Est-ce que ce ticket avait comme le gramophone disparu, une trace en dessous qui disait qu'il était là depuis longtemps? Alors là, il faut que la conteuse me le dise, parce que elle m'a juste dit que j'avais trouvé un ticket dans un... En fait, je crois que c'était dans un des tiroirs du truc, de la commode ou comme ça. Ouais, en fait, c'est en fouillant, et c'était pas dans le tiroir, c'était caché en dessous, il me semble, en dessous du lit. Bon, pour la poussière, il me semble. Faut que je relise mes notes, mais là, de mémoire, tout de suite, je dirais ça. Les voir en poussière sous les lits, normalement. Et donc, ouais, fais-moi un petit jet de mémoire comme ton oncle. Alors, cette mémoire. Et je l'additionne à quelque chose ou à rien du tout? Non, rien, il n'y a pas de vrai jet de mémoire. Là, c'est vraiment juste pour moi. Pour m'aider. Mais c'est un jet de 10 De D6, tu me dis juste le résultat que t'as et... Ah, bah j'ai 7. Ok, merci. Ok. Ah non, c'est Esther qui trouve une plaque pour un voyage en dirigeable. Ah. C'est toi qui l'as trouvé. Ben moi. Merde. C'est Esther qui trouve. J'avais noté. Ouais, je veux bien que Esther. Et est-ce que j'ai le droit à un petit bonus étant donné que je prêtais particulièrement attention à la poussière au moment où j'ai récupéré le document? Ouais, vas-y, je te l'accorde. Il n'y a pas de souci. Et j'ai fait 10. De toute manière, d'après mes notes, on peut encore utiliser. Moi, je peux encore utiliser mes trois petits points, mes trois cercles là pour retourner dans le passé. Hein ? Comment ça revient ? Ah ouais, il faut utiliser. J'en avais utilisé. Hein. C'est un autre scénario, ça. C'est un autre scénario. Oh là là. Ouais, bah désolé, fallait utiliser ça au scénario avec les Del Lupo là. Là maintenant c'est fini. Del Attilio d'ailleurs, qu'est-ce que je dis, Lupo c'était le nom. Del Attilio, je suis un peu fatigué ce soir. Du coup, tu as fait ton jet, Esther ? 10, il a fait 10. Ok. Plus le bonus. Esther. Tu remarques que ça a laissé une trace, mais pas comme le gramophone. Le gramophone, hein, c'est vraiment un objet qui a dû genre rester là des teintes et des teintes, voire même des années, en fait. Alors que la plaque, il y a une petite trace genre de poussière, tu sens que voilà, la plaque a été là et puis elle a fini par y être laissée. D'ailleurs, oui, ça devait être dans un des tiroirs, maintenant que je réfléchis. Enfin bref, c'est pas l'important tout de suite. Mais ouais, la poussière, il y a une petite trace, mais c'est pas le gramophone, quoi. C'est pas vraiment où t'as senti qu'il y a eu vraiment du temps qui est passé, quoi. C'est entre les deux. Ok. Ok, bah je communique cette information. Rien d'intéressant, quoi. Et du coup, le prix, tu as dû la retrouver ? Tu as réussi à le trouver ? Ouais, je l'ai par logique, parce qu'un phono-éditeur, ça coûte un lige, donc le gramophone va te coûter un tout petit peu plus cher, donc je mettrai 2-3 liges, quoi, un gramophone. Mais si tu revends un vieux gramophone qui est là depuis des années et des années, il doit avoir moins de 3 liges. Donc, oui, tout à fait. Ouais, donc en gros, ça reste étrange. Elle aurait pas. Je me demandais si elle l'a pas donné à son entourage. Est-ce qu'elle vous aurait pas donné un gramophone? Ça se trouve que quelqu'un a cassé le sien et elle a gentiment prêté celui qu'elle avait. Mais si ça se trouve, ça cache quelque chose. Ne serait-ce que un clin d'œil de la part de vous savez qui, si on en croit à la théorie que je vous ai communiqué la dernière fois. Bah, de toute façon, là, je pense que la seule chose qu'on a à faire, c'est aller creuser dans son entourage proche pour avoir peut-être des informations sur ce fameux voyage ou sa maladie, s'il en avait évoqué quelque chose. Puisque, de toute vraisemblance, elle se rendait à Éole pour aller voir la loge des théoriciens pour se faire soigner au final. Et donc, payer... ce que j'imagine, c'est que c'est bien beau d'aller à Éole pour se faire soigner. Mais je pense pas que des théoriciennes va la soigner gratos. Donc, il va falloir aussi qu'elle ait de l'argent pour se faire soigner. Et je pense pas que ça va coûter pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va coûter quand même une certaine somme d'argent. En effet. Donc, au final, autant elle a payé 10 liges pour ce ticket, mais ça veut dire qu'elle devait aussi avoir une somme d'argent conséquente pour son statut social en voulant aller à Éole. Alors. J'imagine que peut-être au moins une personne est au courant de ces projets. Enfin, je l'espère. Ouais, il faut qu'on retrouve décidément ses proches, qu'on pose des vraies questions maintenant qu'on les a. Si ça nous mène à rien, je pense toujours qu'il va falloir essayer de faire un parallèle avec l'autre. Mm-hmm. Baletti. Ouais. Mais oui, pour l'instant. Il faut trouver des proches et confirmer le fait qu'elle ait eu une maladie, qu'elle en ait parlé, qu'elle ait parlé d'un voyage, ou du fait qu'elle ait ruiné tout son compte. Oui. Bah, du coup, compteuse, si tu nous laisses aller là-bas, alors après, je sais pas, peut-être au niveau du timing, l'horaire de 23h30, ça va être un peu plus. Mais on peut dire que... Okay. On se rend là-bas. Ouais. Speedrun, vous avez 3 minutes. Vas-y. Vas-y, fais péter les vélos.